Bon, moi, je suis une fille d'indigène. Je suis une indigène de la République, donc je suis un sujet colonial, comme nous toutes ici. Ouria Boutelja. Et cette catégorie, on s'est tous battus avec cette catégorie. Et moi, j'ai rencontré dans ma vie deux manières d'avoir un rapport avec cette construction, cet arabe-là, en fait, dont j'étais. Cet arabe-là, c'est simple. Soit on le fuit, soit on le fuit. Et c'est un rapport dominant à cet arabe-là. La plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie fuient cet arabe-là. C'est-à-dire que quand on leur dit « vous êtes des arabes », parce que ça, c'est le discours raciste qui nous met dans cette catégorie, le réflexe de l'indigène arabe, mais on pourrait dire la même chose des Noirs, en vérité, hein. Mais là, je parle de ce que je sais, eh bien, c'est de fuir au maximum cet arabe-là, au point de le nier. Le fuir au point de le nier, au point de devenir complètement éthéré, au point de dire je n'ai aucune identité, au point de dire je suis de complètement épouser le discours universaliste. Je ne suis rien, je suis universel, je suis presque du vent, donc je ne suis plus rien. J'ai aucun ancrage nulle part, donc j'adhère complètement au discours universaliste, au point de ne devenir rien. Je ne suis plus rien. Et ça, c'est une réaction des indigènes. Je ne veux pas être cet arabe-là, je le fuis, nous sommes collectivement des fuyards, et à force d'être des fuyards, nous devenons rien, tu vois. Et ça, c'est notre destin à beaucoup. Mais à force de devenir rien, prenons l'exemple d'autres manières de fuir son identité, les Juifs par exemple, bah Zemmour, c'est quelqu'un qui fuit, qui est tellement honteux d'être juif, qui a tellement fui sa judéité, que en plus d'être rien, c'est qu'il est devenu nazi. Il est tellement rien, il est tellement peu juif, il a tellement été fuyard, tellement lâche, qu'aujourd'hui il est nazi, c'est-à-dire qu'il a endossé le rôle de celui qui allait le persécuter lui-même. Je veux dire, il n'y a pas plus, comme névrose, comme aboutissement, on n'a jamais, je veux dire, on n'a rien vu de pire. C'est-à-dire qu'en fait, mais l'aboutissement, c'est-à-dire le devenir Zemmour, et je le dis, c'est un devenir potentiel collectif. Faut pas croire qu'on n'ait pas tous en nous un Zemmour. C'est pas que Zemmour, c'est nous tous. Parce que le système intégrationniste, le système impérialiste, fait de nous tous des potentiels Zemmour. Bon. Et donc moi, je vous dis juste, j'ai rencontré que des fuyards dans ma vie. Et j'ai compris, j'avoue, j'ai compris assez vite qu'il fallait habiter l'arabe. Celui qui était cette catégorie essentialiste, les Arabes, c'est des voleurs. Moi, j'ai dit, bah oui, je suis une Arabe. Je suis une Arabe et je vais habiter l'arabité, alors même que je sais, parce qu'en réalité, j'ai un rapport très complexe à l'identité et je sais que ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas la question, mais je m'en fous. Quand on me dit t'es Arabe, je dis oui. Je dis oui. Peu importe que je ne le sois pas, ma mère, elle est chaouïa, mon père, il est kabyle, mais je m'en fous. Parce que ça aussi, c'est une fuite. Je ne suis pas arabe, je suis kabyle. Ça, c'est une manière de dire non, je ne suis pas dans cette catégorie. Je suis tellement complexe, je suis tellement autre chose, je sais pas. Peu importe. C'est dans l'arabité que même les kabyles sont enfermés. Et à ce titre, je suis arabe, je suis musulmane et je le suis fois 1000 et je le suis fois 100 et je le suis fois 1 million. Je le suis et je le resterai. Je crois que c'est important de le dire pour ensuite le complexifier. Mais en tout cas, déjà le dire. Alors, rencontre dans ce micro ouvert avec Jean-Louis Trofleur. Et c'est un micro ouvert qui date d'il y a un an, presque un an, parce que c'était la première semaine du mois de juillet 2023. Aussi qu'on parle des paysans, aussi qu'on parle de propriété privée, que c'est plus compliqué, des fois on est limité, il y a le temps qui passe, on n'approfondit pas, c'est complexe. C'est important de le dire. Mais c'est une tentative, hein. Allez, go alors. Ouvert. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. C'est un plaisir. Il faisait combien de degrés là juste avant ? 33 degrés ce matin. Voilà. Et là, j'amène la pluie. Et un peu de frais, du vent, et puis je viens d'aller fermer les serres. Voilà, moi je te rencontre, c'est toujours bien de se mettre d'accord au début comme ça. Toi tu ouvres ton jardin aux gens. Et entre autres, tu faisais un peu partie du réseau Nature et Progrès. Alors, je profite, oui, je suis membre de Nature et Progrès, et j'ouvre mon jardin dans le cadre de Nature et Progrès, mais également dans d'autres cadres. On en a fait plusieurs visites avec le PCDN de Floref, entre autres. C'est quoi ça, le plan communal de développement de la nature, mais surtout partenariat avec le cercle horticole de Floref. D'accord, donc t'as des collaborations, quoi. C'est ça, on pourrait dire ça comme ça, avec des gens un peu dans le milieu... Partenariat. Pas de partenariat. Pas le mot collaboration. Ça te fait penser à la guerre ou quoi ? Exactement. Ok. Et politiquement parlant, on constate maintenant qu'on n'a plus un rapport d'employeur à employé, mais bien de employeur à collaborateur. C'est plus facile à virer. D'accord. Mais donc, moi, ce qui m'a, j'avais envie de te rencontrer parce que l'intitulé d'une ouverture à ton jardin s'appelait. L'autonomie est-elle encore possible ou quelque chose comme ça ? Alors, c'était ça l'intitulé, hein ? Oui, tout à fait. Et sous forme de question, parce que j'ai trouvé ça important. Moi, je me suis retrouvé en autonomie alimentaire à peu près complète. Oui. Depuis quand ? Bon, depuis début 90. Ouais. Ah oui, depuis... ça fait quoi ? Ça fait 30 ans. Ouais. Et donc, j'ai eu quelques petits problèmes avec des influences extérieures. Le renard, à un moment donné, n'a plus été d'accord que j'élève de la volaille. En tout cas, il était d'accord que je l'élève, mais pour son intérêt à lui. J'ai eu quelques problèmes également avec les problèmes de sécheresse. Donc on parle de réchauffement climatique, mais ce qui m'a beaucoup plus impacté au niveau de la propriété, c'est le drainage des champs qui sont à côté de chez moi. Les champs industriels, enfin je veux dire d'une culture industrielle, c'est ça ? Champs agricoles cultivés de façon semi-industrielle, effectivement. Et la nappe phréatique est redescendue d'1,50 m. Et donc une année comme l'année dernière, par exemple, en pleine sécheresse, à 2 mètres de profondeur, j'étais toujours dans la poussière. Mmh. Et là, évidemment, quand on en est là, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Ok, c'est ça l'intitulé de l'autonomie est-elle encore possible ? Ben oui, tout simplement. Parce que l'autonomie est possible. Hein. Ah, l'autonomie est possible, mais elle demande certains moyens et on est toujours soumis à des conditions extérieures qui font que on n'a pas de contrôle dessus. Donc, comme par exemple le problème de la sécheresse, ben voilà, moi je ne sais rien faire contre. On peut améliorer, limiter des effets, mais à certains moments, on est coincé. Et donc, en pleine période de sécheresse, je n'ai pas le choix, je vais chercher de l'eau. On a l'avantage d'avoir une source pas très très loin d'ici, et donc c'est 600 litres d'eau à la fois. Quoi. Donc, tu as quand même un plan B, quoi. Oui, mais bon... Il y a des gens qui n'en ont pas. Oui, mais bon, ça veut dire aussi que il faut le faire. Qu'est-ce que tu veux dire, il faut le faire ? Ça veut dire qu'au lieu de s'installer à regarder la télé ou prendre l'apéro, on va chercher de l'eau, quoi. Ouais, mais la télé, de toute façon, elle raconte que des conneries. Ouais. C'est pas grave, ça. Je m'en fous, j'ai pas la télé. D'accord. Non, je dis ça parce qu'il y a des gens, vraiment, ils ont pas de plan B. Tu vois, là, t'as un plan B, c'est plutôt une bonne chose. Oui, maintenant, on a toujours l'eau de distribution. Hein. Ça peut fonctionner également. Mais toi, tu l'utilises pas ? Non. On va faire un tour dans ton jardin ? Oui, ouais. Comme ça, après, on prend le temps d'un peu... Ah ben voilà, ouais, il pleut vinette. Et Jean-Louis est en short, hein. Moi aussi d'ailleurs, en sandales. Parce qu'il fait très chaud en fait. Hein. Oui, alors, alors ici tu peux voir que j'ai certains bacs pour de culture, dans de simples fûts en plastique coupés en deux dans le sens de la hauteur, ce qui permet d'avoir des bacs qui ne coûtent pas cher. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de montrer qu'il est possible de cultiver de façon raisonnable et sans devoir dépenser énormément d'argent. Quand on voit les prix des bacs qu'on voit un peu dans tous les coins, ça coûte une fortune et je ne vois pas ce que ça a en plus, d'autant qu'on est ici sur du plastique alimentaire. Tandis que ça ne coûte rien. Un peu de travail pour le scier, puis voilà. Quelques tomates le long des murs, à la fois en fût et j'en ai dans les pots dans la cour là-bas derrière, ce qui me permet de montrer également qu'une tomate en extérieur peut pousser à peu près sans aucun problème, même par temps pluvieux, non traitée et pas de problème de maladie dessus. Et chaque fois, bah, des variétés différentes, évidemment. Mais pourquoi tu... Quoi, parce que le fait qu'il soit en bac, c'est ça qui ça pousse mieux quand y a pas, même quand il n'y a pas de soleil Non, en fait, le mur va absorber... Voilà, ouais. Contre le mur, tu parles. Contre le mur. Le mur va absorber la chaleur quand il y en a, va créer un microclimat qui va permettre de sécher très rapidement les feuilles. Et donc, sur les feuilles sèches, ben, le champignon ne s'est pas poussé, ne s'est pas germé. Ok, c'est le mur, quoi. C'est le mur qui emmagasine la chaleur. Il y a un chat, là. Salut, c'est le tien? Oui. Comment il s'appelle? Paquerette. C'est pas vraiment trois couleurs. Si, c'est écaille de tortue, du coup. Oui. Hein, c'est une chatte qui nous vient de France. Enchantée, dit Paquerette. Elle est là-bas et c'est une bonne chasseuse. C'est bien. C'est pour ça qu'elle nous a intéressés. Utilitariste. Évidemment. Ici, il y a une petite mare. Oui, alors c'est assez particulier pour le plaisir. En fait, c'est le toit qui a servi pour le mariage de Philippe et Mathilde. Le toit, quel toit? Le jour de leur mariage, ils étaient en Mercedes, décapotable, avec un toit qui avait été monté par Tony Gillet. Et ce toit... C'est qui Tony Gillet? C'est un fabricant de voitures, la Vertigo, entre autres, un Belge. Et c'est lui qui avait monté le toit sur la Mercedes pour que la foule puisse accueillir et acclamer le couple. Et ce toit avait été construit en trois exemplaires. Un raté, celui qui a été monté, et un troisième, pour si jamais il y avait un problème au montage. Comme il n'y a pas eu de problème, ben, le toit est resté, et je l'ai récupéré chez le fabricant, qui voulait s'en débarrasser. Allez. Et comment tu étais au courant de ça, toi? Tu étais copain avec ou... Alors, je le connaissais bon, de façon professionnelle, et puis c'est une année où ma serre a éclaté. Donc pendant les vacances de Noël, le matin de Noël, il y a eu un coup de vent pendant la nuit et la serre avait complètement éclaté. Et donc en parlant avec lui, il me dit, si ça t'intéresse, j'ai ça, 2 mètres sur 3, 50 cm, tu peux faire une serre. Mais je lui dis, c'est pas assez haut. Alors il me dit, mais c'est pas grave, tu le mets dans l'autre sens, tu fais un étang. Et c'est comme ça que je l'ai récupéré. Eh ben. Et comment ça se fait que ta serre a éclaté? Coup de vent, je ne sais pas. Elle était déjà un peu brinque-ballante? Absolument pas. C'est une serre... En verre? Une serre en verre. Donc, j'ai passé ma matinée du 25 décembre à ramasser des débris de verre partout dans le jardin, récupérer les morceaux de carreaux qui n'étaient pas éclatés et à mettre tout ça sur le côté. Et puis, je l'ai reconstruit par après. Voilà, on rentre dans le jardin, on est déjà dans le jardin. Bah ouais, ok, t'as carrément une surface, ouais, c'est quand même, waouh. Alors, je suis sur un potager de 4 hares, donc famille de 4 personnes, 4 hares, 1 hare par personne. J'aurais dû prendre quelque chose pour me... ce qui pleut un peu plus, là, pour mon matériel. J'aurais dû prendre un parapluie. Bon. T'as pas ça, toi? On serait cool comme ça. On pourrait faire le truc avec le parapluie. Si j'en ai un dans l'annexe autobus, c'est une dame qui l'a oublié lors des visites jardin, c'est l'année passée ou l'année avant, je ne sais plus. Mmh. Il est toujours là, il attend qu'elle revienne. Et donc, elle est toujours pas revenue? Non. Et donc, le principe, c'est que quand on regarde la littérature ancienne, il faut un art pour produire de la nourriture pour une personne sur la saison et 3 arts pour l'ensemble de l'année. Mais on a des travaux nettement moins physiques actuellement, et donc on peut se contenter de faire un art par personne pour être autonome tant en légumes qu'en pommes de terre sur l'ensemble de l'année. Tu es autonome, toi? Je suis autonome. Toute l'année? Toute l'année. Donc j'achète ni pommes de terre, ni légumes. Ok. T'es autonome là-dedans, quoi. Ouais. Alors, un des gros problèmes auxquels j'ai été confronté en commençant mon jardin, c'est qu'on a des rotations, des assolements. Et quand on regarde la littérature, quand on parle des rotations de culture, on est toujours soit sur 3 plans, un plan pour les légumineuses, un plan pour les légumes feuilles et un plan pour les légumes racines, et éventuellement un 4e pour les pommes de terre primeurs. Quand on regarde dans les jardins ouvriers, 50% de la superficie est occupée par la pomme de terre. Donc, comment faire pour gérer ça? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut pouvoir trouver des solutions pour l'assolement. Puisque logiquement, la pomme de terre, dans la littérature, eh bien, elle ne peut pas revenir au même endroit. Au même endroit. Elle ne peut pas repousser au même endroit. On ne peut pas la replanter au même endroit. Il faut avoir des rotations, des alternances de facilement 3 à 4 ans. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes dans la culture actuellement, dans l'agriculture, c'est que les plantations de pommes de terre ne permettent plus, il y en a tellement, que les fermiers n'arrivent plus à trouver des solutions pour les assolements. Mais donc, de l'agriculture industrielle. Agriculture industrielle. Donc, au niveau du potager, moi, j'ai réfléchi, j'ai cherché pas mal de choses. Et puis, finalement, j'ai délimité dans mon potager des parcelles. Ce sont des planches de culture qui font tout 1,50 m de large, séparées par des sentiers de 40 cm. J'aurais pu mettre 50, mais ça faisait trop de place perdue. Donc, 40 cm, c'est juste ce qu'il faut comme passage. Alors, la pomme de terre revient au niveau des cultures maximum 3 années d'affilée à la même place. Et puis, elle change. Pour le reste, ben, j'ai quand même quelques cultures qui sont plus vivaces. Les fraisiers vont rester 3 ans en place. J'ai de l'asperge qui, elle, c'est 20 ans. Un truc qui est assez amusant. C'est 20 ans. Oui. Mais ça veut dire quoi, c'est 20 ans? 20 ans à la même place. Ah ouais, ça ne pose pas de problème. L'asperge, il y en a une là derrière. Ah ouais, c'est beau. C'est l'avenue tout seul. Et en fait, c'est assez intéressant de constater que dans les anciens jardins ouvriers, il y avait toujours un plant d'asparagus pour les fleurs, ce qui permettait à la maîtresse de maison d'agrémenter ses bouquets. Par contre, on ne disait jamais aux ouvriers que l'asperge, c'était de l'asperge, c'était de l'asparagus pour les fleurs. Donc, ça ne se mangeait pas. Fallait quand même que les gens bien et les ouvriers ne mangent pas la même chose. C'est quand même... Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais quoi, pour les uns, ils récoltaient les fleurs et pour les autres, ils mangeaient la racine, alors. Non, l'asperge, elle se consomme. Donc, l'asperge, elle va se consommer quand on a une racine qu'on va appeler la griffe, qui va produire des tiges en début de saison. Les tiges qu'on appelle les turions, c'est ce qu'on va manger, donc les jeunes d'asperges. Et c'est ça qu'on va manger. On va les récolter en pleine production pendant 6 semaines à peu près. Et puis, on ne va plus récolter. On va voir cette plante qui fait ces grandes tiges qui vont permettre de renourrir la racine pour reproduire l'asperge que l'on va consommer l'année prochaine. Ok, si je comprends bien, ça se cueille ou quoi ? Ça se récolte. Alors, un petit truc amusant d'ailleurs, l'asperge blanche, eh bien, c'est Jean-Baptiste de la Quintigny qui l'a inventé. Donc, Jean-Baptiste de la Quintigny, c'est lui qui a créé le potager de Versailles. Donc, quand on parle de Versailles, on parle souvent des jardins de Versailles, destinés par le nôtre, mais on oublie ou on n'en parle pas beaucoup. Louis XIV était un grand amateur de légumes. Et donc, il fallait produire pour sa table des légumes toute l'année. Et à l'époque, évidemment, on n'a pas de serre, mais on a du fumier de cheval. Le fumier de cheval va permettre de créer une couche chaude, ce qui va permettre de produire des légumes totalement hors saison. Mais l'asperge, par exemple, hors saison en hiver, pousse à l'abri de la lumière, donc elle va être blanche. Et comme on est à l'époque où la différence entre les gens bien et les gueux, c'était la couleur de peau, puisque les gueux, c'était les paysans, et eux, ils étaient tout bronzés, et les gens bien, eux, ils étaient bien blancs, pour ça qu'on les appelait les sangs bleus. Ouais, ça a un peu changé, ça. Ça a un petit peu changé. Non, maintenant, c'est signe de classe sociale haute si t'es bien bronzé, quoi. Oui, c'est la différence. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. Et donc, les légumes blancs étaient évidemment beaucoup plus appréciés à l'époque. Et puis, on a développé l'asperge blanche dans le nord de la France, en Flandre et aux Pays-Bas, où on a développé des asperges beaucoup plus grosses que la verte. Et en expliquant que pour produire de l'asperge, il fallait obligatoirement un terrain sableux qui ne convenait absolument pas dans nos régions. Mais maintenant, on sait, une asperge verte, elle est nettement meilleure qu'une blanche, elle pousse toute seule, elle se récolte facilement, c'est tout simple. Mais quoi, ça veut dire qu'il racontait des conneries ou quoi ? Pas nécessairement des conneries, mais je pense que l'asperge, de toute façon, l'ouvrier, puisque c'est le thème d'office... Chez moi, c'est le jardin ouvrier. L'ouvrier n'avait pas de temps à perdre à aller manger de l'asperge. Il allait plutôt manger des fèves, des patates. Pourquoi tu dis pas de temps à perdre? Pourquoi de temps à perdre? Pas la place, pas le temps à perdre. Il avait parce que ça met longtemps à pousser. Non, c'est une récolte. C'est un plat de luxe, quand même. Mais pourquoi? Ah, parce que tu as déjà mangé de l'asperge? Oui, mais je suis pas fan. C'est dommage, on est un peu tard dans la saison, sinon je t'en ferai goûter une. Oui, mais pourquoi c'est un produit de luxe? Parce que c'est les nobles qui se sont appropriés ça, mais enfin, je veux dire, pourquoi? Je veux dire, ça pousse dans la terre, hein, ça n'a pas de classe, quoi, tu vois? Oui, mais ça fait partie de ces légumes qui sont considérés comme des légumes de luxe, comme d'autres. Ouais, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Bref. Parce que tu dis que c'est l'ouvrier, il s'en fout de l'asperge. Oui, parce que ça ne fait pas partie... Alors, il faut savoir quand même que l'ouvrier va développer son jardin grâce, entre autres, aux conférences qui sont données par les cercles horticoles. Et dans les cercles horticoles, on va avoir des thèmes bien particuliers. C'est à l'époque, hein. Et donc je suis en train pour le moment de relire les comptes rendus du cercle horticole de Floreffe depuis 1925. C'est assez intéressant. Et donc on voit comment ça fonctionne. On va apprendre à l'ouvrier, soit on va lui dire, on va parler des fruits de luxe par exemple, de la pomme, de la poire, ou de certains légumes, mais on ne va pas aborder certains thèmes. La tomate, par exemple, on la cultive depuis l'immigration italienne. Avant, on ne cultive pas la tomate en Belgique. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'est pas un légume. Parce que c'est les Italiens qui ont ramené peut-être ça, les graines, en se disant, C'est les Italiens qui ont ramené leur culture et leur façon de consommer quand ils sont arrivés avec l'immigration italienne dans l'après-guerre. Alors la tomate est un truc assez intéressant aussi. Quand on regarde une des premières représentations de la tomate dans un livre, c'est un livre écrit en flamand qui sera traduit en français plus tard. C'est par, je pense, si mes souvenirs sont bons, ça doit être Doduns, mais sans certitude, et qui écrit ce livre. Il est médecin à Malines, finira médecin d'un empereur. Et donc, comme c'est une solanacée, la tomate, comme la pomme de terre, sont considérées par les scientifiques comme toxiques. Par contre, les marins qui reviennent des États-Unis actuels, eh bien, eux ramènent la tomate et vont faire, comme ils l'ont vu faire là-bas, ils vont faire des tomates cuites avec des piments. Et donc, ils vont faire des sauces pimentées qu'on va retrouver en Espagne. De là, ça va partir dans le royaume de Naples, qui est espagnol également. Puis, ça va partir en Grèce et ça va remonter vers l'Europe de l'Est. Par contre, chez nous, la tomate, elle ne vient pas. Parce qu'elle est considérée comme toxique et donc elle ne sera pas acclimatée à nos régions. Oui, c'est ça aussi, elle n'est pas acclimatée. Mais on voit bien, tu as l'air de savoir plein de choses, évidemment. Ça fait combien? Tu as 30 ans que tu es là-dedans. Et j'aimerais comprendre juste, tu dis le jardin ouvrier. Le jardin ouvrier, comme ça qu'on dit? Oui. Mais quelle est la différence entre un autre jardin? Parce qu'on t'a l'air de bien spécifier, c'est le jardin ouvrier. Alors, le jardin ouvrier est destiné à produire de l'alimentation, de la nourriture. Point. À côté du jardin, à côté du potager, si tu regardes certaines maisons plus anciennes, donc qui se datent des années 50, 60, 70, eh bien, tu regardes à l'arrière, tu vas voir un sentier en béton. Soit au milieu, soit sur un côté. Ça, c'est le sentier qui menait au jardin, qui permettait d'aller au jardin. Et donc ça, c'est une chose qui va permettre de distinguer très facilement ce type de jardin. Quand le jardin était au milieu, ça voulait dire qu'on mettait les pommes de terre d'un côté cette année et l'année prochaine de l'autre côté. Le restant, on mélangeait n'importe comment. Quand c'est sur le côté, il y a souvent une plate-bande également. Et la plate-bande, c'est pour madame avoir ses fleurs, avec éventuellement quelques herbes aromatiques. Donc... Ben, on va essayer d'aborder les choses parce que bon voilà, il pleut avec le micro, mais quand il pleut vite, hein, mais quand même, il y a une petite pluie qui fait qu'on sera mouillé, que le matos sera mouillé. Mais t'as pas mal de patates là. Hein. T'aimes bien la patate? Ben, j'ai 50% de mon terrain qui est occupé par la pomme de terre et donc j'ai pas le choix. Il faut quoi? Il faut en mettre. Si on veut pouvoir en manger toute l'année. Ouais, je comprends pas bien ta logique. Ben... Ce que tu dis. C'est quand même toi qui choisis de mettre les pommes de terre. Ah oui, c'est moi qui choisis de les mettre. Mais comme je dois... Comme les années précédentes étaient déjà... Je dois produire mes pommes de terre. Si je veux mon autonomie en pommes de terre, il me faut la production. Donc je n'ai pas le choix. Il faut que j'ai la surface pour pouvoir le faire. La surface déjà un peu travaillée, c'est ça ? Non, c'est choisir. Bon, comme mon potager, si tu le vois bien, il est divisé en planches. Eh bien, j'ai des planches sur lesquelles j'ai des pommes de terre. On voit ici, celles-là sont bientôt bonnes à récolter. Ah oui, ici, là ? Oui. Okay, je vois pas. Tandis que les autres plus loin sont seulement en fleurs et donc ne sont pas encore prêtes à être récoltées. Ouais. Ici, à l'avant, on a le parterre avec mes semences. Donc, carottes, poros, panais, chicorées. L'étude d'hiver que j'ai encore. Alors, je suis en train d'expérimenter maintenant, depuis quelques années, la culture du quinoa. Parce que ça fait partie de ces plantes qui peuvent être intéressantes dans nos régions, au niveau culture et au niveau alimentation. Elles sont peut-être à mettre en balance avec la pomme de terre ou autres féculents pour la nourriture. Mais donc, on est, toi, tu es autonome, quoi. Je t'ai déjà demandé, tu m'as dit oui. Je suis autonome au niveau légumes, j'en achète pas. Je suis autonome, j'ai encore des pommes de terre de l'année dernière. On est en train de terminer, on va commencer à manger les premières. Je suis autonome pour une grande partie de mes semences. Alors j'ai commencé à faire la semence début des années 90. Suite à une réflexion dans un cercle horticole, c'était un vieux jardinier qui se plaignait des haricots. Parce qu'il avait une autre variété que celle qu'il souhaitait et il trouvait qu'ils étaient moins bons. Donc je me suis dit à ce moment-là, si je veux maîtriser, il faut que je maîtrise tout le processus. Et donc j'ai commencé à faire de la semence ainsi. Au départ, il n'existait aucun livre, il n'y avait aucune formation sur la semence, ça n'existait nulle part. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Dominique Guillet de Cocopelli. À l'époque, c'était cette terre de semence où j'ai appris énormément de choses avec lui. Puis j'ai acheté son livre et maintenant... Maintenant c'est bon quoi, tu gères. À peu près tout, ouais. Maintenant on est toujours tributaire de certaines conditions climatiques. Il y a 2 ans on a eu un été très pluvieux et donc il y a énormément de semences qui n'ont pas mûri et qui n'ont pas pu être utilisées. Ouais, c'est clair que ça a une influence quoi, ouais. Direct. Ouais, évidemment. Maintenant quand on fait de la semence, il faut aussi savoir ce que les voisins font. Parce que on parle souvent de la législation sur la semence. Si l'État a été obligé de légiférer, c'est parce que les professionnels vendaient n'importe quoi. Et ils vendaient n'importe quoi, même pas expressément en le faisant, mais simplement parce que les notions d'hybridation, ils ne les connaissaient pas. Les lois de Mendel, elles ont été publiées en 1865. 1865, c'est très récent. Et les scientifiques de l'époque ont pu en tenir compte, mais les professionnels n'étaient pas au courant. Ouais, mais après, parce que moi je suis aussi occupée à lire là. Bon, c'est sûr que c'est la mode, hein. On est d'accord que le potager aujourd'hui, c'est la mode, quoi. Tout le monde est là. Il y a une tendance comme ça, et quand je dis ça, qu'est-ce que tu réponds, toi ? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la tendance, elle va surtout concerner les gens qui ont les moyens, pas les pauvres. Les pauvres, on en fait des assistés. D'ailleurs, un exemple, Floreffe, la commune où j'habite, a un plan de cohésion sociale. Dans ce plan de cohésion sociale, il y a un volet alimentation. Dans ce volet alimentation, il y a des cours de cuisine, les colis alimentaires du CPS et l'accès à une épicerie sociale qui est gérée par la Croix-Rouge de Floreffe. À Floreffe, on a un jardin communautaire. Le jardin communautaire n'est pas repris dans le volet alimentation. Il est repris dans le volet convivialité, au même titre que la pétanque et le reste. Et ça, c'est vraiment un signe de la société dans laquelle nous sommes actuellement. C'est que les pauvres, ils n'ont qu'à faire ce qu'on leur dit, consommer ce qu'on veut bien leur donner et surtout être des assistés. Ceux qui veulent pouvoir se débrouiller par eux-mêmes, ça n'en fait pas partie. Oui, il faut déjà de la terre, il faut déjà du terrain, hein, en fait. Il faut déjà être propriétaire de ça, quoi. Oui, mais le jardin communautaire, c'est sur un terrain communal. Hein. Oui, là, tu me donnes un autre exemple, mais je veux dire, quand on parle des pauvres, il faut déjà être, comment dire, maître de son espace, de son terrain, quoi. Si jamais ils avaient envie d'apprendre à retravailler la terre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais les jardins communautaires permettent l'accès à la terre, hein. C'est ça qui est important. Ici, jardin communautaire de Floreffe, il y a 3 familles actuellement. On pourrait en avoir plus. Mais ce que je trouve vraiment étonnant dans la société actuelle, c'est que le fait de produire soi-même sa nourriture, ce n'est pas de l'alimentaire. C'est de la convivialité. C'est extraordinaire. Oui. Les choses sont retournées. Bien que j'ai déjà entendu des CPAS qui mettaient en place comme l'apprentissage pour les gens justement qui n'ont pas grand-chose. Allez, venez, on va travailler la terre, on va retravailler le potager. Il y a des projets comme ça, hein, tu sais, hein. Oui, je sais, il en existe beaucoup. D'ailleurs, j'ai visité pas mal de jardins communautaires en son temps. C'était très amusant. Et d'ailleurs, une des réflexions que j'ai le plus souvent entendues dans un jardin, c'est amener les gens à consommer ce qu'ils produisent. C'est vraiment sidérant, parce que les gens ne savent pas. Il y a plein de gens qui ne savent pas comment on fait pour cueillir une salade. Et puis, entre le jardin et l'assiette, on fait quoi? On ne sait pas. On ne sait plus. Non, et rien qu'une laitue, hein, c'est bête. Des petits pois, c'est le même. On les récolte quand? Comment est-ce qu'on fait? Les haricots, les courgettes, est-ce qu'on attend qu'elles soient grosses ou bien on en prend une? Et on ne sait pas. Et quand tu dis on ne sait pas, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a toute une histoire qui fait qu'on nous a désappris à tout ça. Ah ben là, on est dans l'immédiate après-guerre 40. Hein. À l'époque, donc, on a l'ouvrier qui fait son jardin parce qu'il doit nourrir sa famille. Non, mais tu vois, juste parce qu'on parle pas souvent de celle-là, mais on parle de l'ouvrier qui fait son jardin, donc qui travaille dans une usine, hein, quand on parle de l'ouvrier. L'employé, c'est la même chose. Hein, donc, oui, mais je veux dire, juste avant, l'ouvrier, il était plus, justement, propriétaire de sa... Pas de la terre, mais il avait des terres, quoi. Tu vois, des terres communales. Tu vois, cette période avant qu'il y ait les enclosures et que ça fasse... Ça fasse boule de neige un peu partout en Europe, les gens vivaient de leur terre, quoi, tu vois. Pour le seigneur, il y avait une partie qu'il devait remettre. Tu vois, cette période-là. Après, on a cassé ça. Quand je dis « on », c'est l'élite, les politiques, là, en place, ont cassé ça pour que le type et la nana soient obligés d'aller travailler à l'usine, quoi, tu vois. Bon, je simplifie l'idée, mais je pour voir si tu comprends ce que je dis. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il suffit de relire La Terre d'Émile Zola. C'est extraordinaire. Ça va montrer ce qu'est l'agriculture au XIXe siècle. C'est une époque où il faut produire de la nourriture pas chère, parce que si la nourriture coûte trop cher, le capitaliste devra payer l'ouvrier plus cher, et donc ça ne lui convient pas. Donc, moins la nourriture est chère, plus il peut se permettre de se faire, lui, du bénéfice sur le dos des travailleurs. Mais j'avais envie, parce que c'est noté dans mon cahier, là. Est-ce que tu connais l'atelier paysan? Des gens en France, ils se nomment comme ça, c'est des gens qui travaillent la terre. Ça regroupe plein de gens, en fait, hein, qui travaillent la terre, qui font du pain. Mais aussi l'atelier paysan, il propose de faire des ateliers pour réparer les machines eux-mêmes. Mais du coup, il faut évidemment des vieilles machines, pas comme on nous prépare dans le futur, là. Là, maintenant, c'est en cours, hein, les drones pour la nouvelle agriculture numérisée. C'est pour ça que j'avais noté des choses dans mon cahier qui étaient intéressantes. On y retourne? On peut. On profite de l'éclaircie. Voilà. Mais j'ai quel... parce que si tu connais pas l'atelier paysan, ça peut t'intéresser. Mais bon, ça relève de l'agriculture, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jardin potager. Et donc, c'est vraiment permettre à la personne de pouvoir produire sa nourriture à elle. On m'a demandé, il y a quelques années, de donner des formations en maraîchage. J'ai refusé. Pourquoi? Moi, je peux t'apprendre à nourrir ta famille. Un maraîcher, il doit la faire vivre. C'est pas le même monde. Je peux t'apprendre à nourrir ta famille et le maraîcher, tu dis? Il doit faire vivre sa famille. Lui, c'est pas la nourriture qui doit rentrer, c'est l'argent. Voilà. Mais donc, c'est plus que sa famille, évidemment. Le maraîcher. Tu comprends? Oui, tout à fait. Mais là, moi, c'est un monde que je ne connais pas. Et donc, je ne vais pas commencer à apprendre des conneries aux gens. Ça ne m'intéresse pas. Mais donc, tu es aussi en lien avec des gens qui ont du terrain, quoi, du coup. Parce que pour faire son potager, il faut avoir des terres, un peu. pas spécialement énorme, mais un petit peu quand même, quoi. Bah, autonomie, un art par personne, faut pas grand-chose. Hein. Oui, oui, oui. Mais, hop. Voilà. Regarde, je vais prendre mon... Tiens, un coup, ça. Je vais pas tomber, hein. Je vais essayer. Vaut mieux, quand même. Hop là. Attends, j'ai encore un truc à prendre. Parce que je deviens bigleuse quand on lit. Voilà, c'est pour continuer. J'avais envie de venir parce que je trouve... voilà, c'est reprendre la terre aux machines. Et là, bon, mais c'est plus là une vision, je dirais... parce qu'il y a ici bah, des gens comme toi qui sont assez... alors en plus, toi, t'étais pas, il y a 30 ans, c'était pas branché comme c'est branché aujourd'hui, quoi. Le potager, les graines... Non, c'est pas... D'autant que, moi, comme je dis, j'ai connu l'époque Roundup. Hein. Donc, c'est l'époque où, qu'est-ce qu'on enseignait tant aux agriculteurs que... Au jardinier, ben c'était l'utilisation des herbicides. J'avais ici, lors de la visite samedi passé, une personne qui me fait la remarque, hein, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ben je dis non, c'est une question de vocabulaire. Quand j'ai fait mes études à Jean Blou, on disait, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des plantes adventices. Mais tu as fait des études de quoi, toi? Sylviculture, garde forestier. Mais bon, ça remonte à il y a longtemps, et comme à l'époque, il n'y avait pas de boulot là-dedans, donc j'ai fait autre chose. Et donc... il n'y a pas de mauvaises herbes. Non, à l'époque, c'est ce qu'on disait aussi. Et ça permettait de justifier l'utilisation des herbicides sélectifs, tout simplement. Maintenant, oui, mais c'est ça, c'est incroyable quand même, comment le business de la nature avait vraiment le dessus. Et aujourd'hui, il a toujours le dessus. C'est de ça que j'avais envie. Mais alors, c'est plus, tu vois, l'état du monde, quoi. Parce que l'atelier paysan, il dit par exemple ça, hein. Rendre nos alternatives plus combatives. Ça te parle comment quand on dit ça? Parce que, tu vois, c'est sûr que c'est la mode, dans les médias, on en parle plus, du potager, de la nature, hein, mais le système industriel, l'agro-industrie, là, il continue à dominer, quoi. Et il y a plein de gens qui se sont dit, ben, si je fais mon potager, ben, j'avais une chouette phrase aussi, faire le deuil de l'idée que le monde puisse changer sous l'effet de nos choix personnels. Tu vois, il y avait quelque chose dans l'air du temps comme ça, de montrer l'exemple. Il y avait des gens, ils disaient, allez, on s'y remet, au moins, nous, on est un modèle, c'est comme ça qu'on va changer le monde. On en revient. Tu vois, c'est là que je parle de, quand tu disais d'autonomie, là, le titre, l'autonomie est-elle encore possible? Ben oui, comme ça, parce que il y a des traces, on voit bien que tu nous prouves et d'autres prouvent qu'on peut cultiver la terre, on peut se nourrir, mais à l'échelle vraiment du monde, on va dire. Mais quand je dis du monde, c'est vraiment la Belgique par exemple, la France à côté. Enfin, tu vois, c'est pas un truc. Ben, on est tous reliés les uns aux autres et l'agro-industrie, c'est un gros business géopolitique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'agro-industrie, ce n'est jamais qu'une multinationale comme une autre. Ce sont les mêmes actionnaires que dans la chimie, que dans le pétrole, que dans le reste. Hein. Voilà. Donc, on a ici un projet qui va se faire. C'est une étable avec 120 vaches. 120 vaches qui verront la lumière du soleil deux fois dans leur vie. La première fois en arrivant, la deuxième fois en partant. Voilà, c'est comme ça. Mais quand tu dis « on », c'est pas toi, parce que je comprends, tu vois. Non. Mais on ne comprend pas quand tu dis ça. Il y a quelqu'un, là. Oui, c'est la famille. Ah, OK. Et donc, le projet, ben, ce sera quoi? Tout simplement pour gérer, puisque le projet est de faire du fromage, pour gérer un fromage pseudo-industriel, eh bien, il faut que le lait ait toujours les mêmes constances. Et pour qu'il ait les mêmes constances, il ne faut pas que les vaches aillent brouter l'herbe. Parce que si elles vont brouter l'herbe, elle est un peu plus aqueuse, il y a plus de soleil, il y a plus autre chose. Et donc le lait n'aura pas toujours les mêmes caractéristiques. C'est pour ça d'ailleurs que quand on regarde le froment en Belgique, le blé produit la plupart du temps, n'est pas panifiable. En tout cas, industriellement. Et la farine que les boulangers utilisent n'est pas belge la plupart du temps. Parce qu'on n'a pas d'étendue suffisamment importante au niveau des champs, comme on a en Russie ou en Ukraine, que pour avoir... un froment qui ait les mêmes caractéristiques. Mais ouais, là, t'es hyper pointu dans les... Et encore, après, je me perds, moi, parce que tu me parles des vaches, mais ça, c'est un projet quoi, ici, dans la région? C'est à 300 mètres d'ici. Ok. Et t'as dit aussi pseudo-industriel, ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est pas vraiment l'industrie, mais enfin, ça en est pas loin, quoi. Bah oui, oui. Qu'est-ce qu'on va avoir quand on compare ça avec un petit fromager qui, à chaque fois qu'il lance son fromage, ben, il doit maîtriser le processus en faisant attention à la température, au temps, il le sent, il le sait. Et chaque fois, ce sera une méthode légèrement différente. Un boulanger qui utilise des farines bio ou autoproduites, c'est la même chose. Il y a une différence dans la farine qui fait que lorsqu'il va faire du pain, eh bien, il devra chaque fois revoir les conditions. Si on fait de la confiture à la maison, eh bien, c'est la même chose. Il y a 40 ans d'ici, je pense, j'avais proposé à ma terne des variétés de pommes anciennes pour la compote. Ils n'en voulaient pas. Parce que le problème, c'est que chaque fois, il faut revoir les temps de cuisson, les méthodes de fabrication, et donc, ils ne peuvent pas se le permettre. Et pourquoi tu proposais des pommes à ma terne? Oh, parce que j'avais l'occasion d'en avoir... Je dirais, ma terne, c'est une industrie, quoi. Ouais, mais ça pouvait marcher, éventuellement. Mais quoi qui pouvait marcher? Ben, ils pouvaient peut-être être intéressés. Parce que moi, j'avais la possibilité de récupérer quelques tonnes. Mais ça ne les intéressait pas parce que c'est trop compliqué à gérer. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, ça? Parce qu'on parle là de choses bien concrètes, voilà, de connaissances du sujet, de, hein, de... T'as l'air de connaître, quoi. Ça fait 30 ans que t'es dedans. Un petit peu. Mais moi, je venais aussi plus pour parler de cette autonomie. Est-elle encore possible? Toi, tu parlais alors, par rapport à ça, tu parlais du... De quoi exactement? T'as parlé du temps au tout début, quand je t'ai enregistré, là? Oui, donc, quand je pose la question, j'ai eu 4 gros problèmes au niveau de mon autonomie alimentaire. Le premier, c'est le renard qui a préféré manger mes poules à ma place. Deuxième, c'est le problème de la sécheresse liée. Ensuite, ben, c'est la perte de mes abeilles avec le bleuet dans le champ à côté. Donc, j'explique un petit peu. Hein. Donc, on a eu un changement d'agriculteur début des années 2000 et il fonctionne en assolement triennal avec une des cultures qui est en graines enrobées, imidacloprid, et imidacloprid, autrement dit le gaucho. Et donc, c'est un produit qui a une rémanence, c'est un insecticide assez puissant, qui a une rémanence de 3 ans au moins dans le sol. Comme c'est triennal, donc ça revient à tous les 3 ans, donc il y a une accumulation. Ça passe dans la fleur du bleuet, qui pousse tous les ans dans les champs, et donc butiné par les abeilles. Et donc, sur 8 ans, j'ai perdu 24 colonies, donc... Je suis rendu compte que ça ne servait à rien de continuer. Ça, c'est la troisième chose. Et la dernière chose où j'ai eu un problème, c'est un champignon des oignons et échalotes qui a une rémanence de 10 ans dans le sol. Avec mon système d'assolement, 10 ans, ce n'était pas un problème. Mais même en faisant du compost, en montant les températures à 60-70 degrés, quoi qu'en disent certains, ce n'est pas suffisant, il y a des choses qui résistent. Et donc, j'ai eu un petit problème. Donc, pendant 10 ans, j'ai arrêté de faire de l'oignon et échalotes. Maintenant, c'est redémarré et j'ai pas de problème. Mais donc, l'autonomie, quoi, c'est pas toujours évident. C'est ça que tu veux dire? Eh bien, c'est pour ça que je le mets sous forme de question, parce que c'est pas du tout évident. Ben, maintenant, on a beau savoir beaucoup de choses, on est toujours tributaire de certaines choses extérieures qui font que... On est coincé, quoi. Maintenant, l'autonomie, ça veut dire aussi que c'est pas seulement la culture, ça veut dire conserver, ça veut dire utiliser, c'est pas mal de choses. Hein. Oui, mais j'imagine qu'avant aussi, on était en lien avec ses voisins plus, et du coup, on, si tu avais une mauvaise récolte, comme tu expliques là, avec ton ail et ton échalote, si j'ai bien... Ouais, bah, ça s'arrangeait. Hein. Bah, tu faisais des échanges avec d'autres, enfin voilà. On va dire qu'au niveau... individu ou même petit collectif ou un peu plus grand, je veux dire, l'autonomie, on peut se débrouiller, on sait se débrouiller. L'être humain sait se débrouiller. L'être humain peut se débrouiller. Il sait faire avec la nature, il a toujours fait d'ailleurs. Bien sûr. Quoi qu'en disent certains, on n'aurait pas de faim avant. Hein. Mais non, je suis d'accord avec toi, c'est rare de l'entendre ça. On nous fait croire, c'est les capitalistes et toute leur idéologie qui nous font croire ça. Oui et non. On a quand même, l'après-guerre 40 a quand même, avec le plan Marshall, permis, c'est la seule guerre en Europe qui n'a pas été suivi d'une famine. Donc ça a été quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, ça a permis de recycler toute l'industrie de l'armement. Les chars ont été transformés en tracteurs et les explosifs ont été transformés en engrais. Bon, ça a continué comme ça. Mais ça se faisait déjà pour la guerre 14. Et le problème, ce sont les dérives qui sont autour, évidemment. Les dérives ? Là, il y a des fois, je te perds, hein, j'arrive pas à comprendre bien ta pensée. C'est drôle. Alors, quand je parle de dérive, le plan, au départ, est tout à fait correct. Le plan Marshall ? Oui. Il est correct ? Tu trouves ça correct ? Ah, ça se discute, mais bon. Au départ, ça a permis, comme je l'ai dit, c'est la seule guerre en Europe qui n'est pas suivie d'une famine. C'est quand même important. C'est la seule guerre qui va être suivie par un nettement mieux-être pour l'ensemble de la population. Voilà. Chez nous, hein, je parle. Ben, c'est quand même l'accès à la propriété privée. Tu trouves ça bien, toi ? Ça permet à l'ouvrier de ne pas être locataire toute sa vie. Non, mais avant, on n'était pas propriétaire, mais on était... la terre était là, tu vois, la terre était là. C'était des communaux, quoi, comme on dit, quoi. Et les gens travaillaient... On n'avait pas besoin d'être propriétaire de la terre, tu vois. Oui, mais là, on repart au Moyen-Âge, hein. Non, mais même avant le Moyen-Âge, je veux dire, à la base, la terre, elle était à tout le monde. Il a bien fallu qu'à un moment donné, des gens s'approprient la terre pour dire « ça, c'est à moi maintenant », tu vois. Avant, la terre était à tout le monde. Il y a une phrase comme ça qui dit « la terre est à toi si tu la travailles. Si tu la travailles pas, t'as pas besoin de terre non plus », tu vois. C'est un bon, vaste sujet, mais je vois un peu, on n'est pas les mêmes là-dedans. On remonte vraiment très loin en arrière à ce moment-là. La propriété privée, elle a quand même été décrétée il y a longtemps. Oui, mais regarde comment le monde va aujourd'hui. Il va dans le mur, hein, je veux dire. Alors nous, on est du bon côté, entre guillemets, parce que les gens dans le sud, ailleurs, c'est les grosses machines de guerre industrielles, agroalimentaires, qui s'approprient les terres des gens, quoi, tu vois. Tout à fait. Enfin bon, ouais. c'est toute une histoire. Mais là, on part sur une notion de politique internationale et autres. Et bon, moi, je parle ici au niveau de la Belgique. C'est quand même le mieux-être pour les travailleurs qui leur a permis de devenir propriétaires, d'avoir leur maison, d'avoir leur jardin, de pouvoir subvenir leurs besoins. C'est pas le cas. On a peut-être des maisons, mais regarde... Les Thomas et Piron, les constructions Thomas Piron, on est peut-être propriétaire de maison, mais regarde comment on est décervelé un peu, tu vois. Toi, t'es un peu un cas particulier, bien que la tendance va vers ça aussi, c'est-à-dire que tu fais ton potager, avant tu serais vu comme un uluberlu, tandis que maintenant c'est un peu la mode, on revient à ça. Mais les gens veulent une société moderne, justement, avoir leur maison, leur piscine, leur grosse bagnole, enfin, tu vois. Alors, l'accès à la propriété, pour moi, est important. Il y a 30 ans d'ici, je disais que ça allait être un gros problème dans les années qui allaient suivre. Mais reprenons, la personne qui a sa maison, j'ai toujours dit, c'est quand même extraordinaire, il se crève pendant 11 mois sur l'année à travailler pour payer sa maison, à travailler dans sa maison pour l'aménager, et au moment où il peut enfin en profiter parce qu'il est en vacances, il s'en va. C'est extraordinaire. Il s'en va, tu veux dire qu'il meurt ? Non, il part en vacances. Ah ! Il part ailleurs. Oui, parce oui. Il a besoin de prendre des vacances. Bon, au lieu de faire des vacances chez lui, où ce serait peut-être beaucoup mieux. Mais bon, ce sont les choix des personnes, et là, je n'interviens pas là-dessus. Ben bon, faut... Mais ça dépend de sa maison. Si sa maison, elle est dans le macadam, en pleine ville, en pleine chaleur... Tu peux limite encore comprendre que le type ou la bonne femme, ils ont envie d'aller dans la nature. Tout ça est compliqué, hein, parce que la ville, c'est complètement artificiel. Les villes sont artificielles à la base, tu vois. Oui, mais je ne parle pas ici de la ville. Je parle de la personne qui a sa petite maison dans un village avec la pelouse derrière, parce que le jardin, c'est compliqué. C'est plus facile d'aller faire ses courses en plat tout préparé ou voir un petit peu... Quand on voit maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est une société qu'on appelle HelloFresh, ça coûte la peau des fesses, et un jour, eh ben, on passera dans un quartier et on se dira, tiens, c'est le jour de la soupe au poro aujourd'hui, parce que tout le monde fait de la soupe au poro. Et on va vers ça. Hein. J'ai pas suivi, là, parce que tout le monde fera de la soupe au poro. Tous les gens, HelloFresh, ce sont des boîtes. Ce sont des boîtes. Des boîtes. Des boîtes. Qu'on reçoit avec les légumes dedans, les recettes, et donc on a tout pour les jours de la semaine. Et donc, ben, tout le monde, ce jour-là, ben, fera la soupe au poro, parce que ce sera comme ça, quoi. Ouais. Oui, ça fait penser que si on vous pensez plus par vous-même, quoi. Enfin, on vous dit ce que vous devez manger, ce que vous devez lire, ce que vous. Hein, bon. Après, je ne me prétends pas à un libre esprit, hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais donc, pour finir et pour continuer un petit peu, parce que voilà, le temps va vite, il reste 10 minutes, quoi, même pas. C'est sur cet aspect un peu plus politique, hein, parce que donc rendre nos alternatives plus combatives, faire le deuil de l'idée que l'on puisse changer sur l'effet de nos choix personnels. Que le monde puisse changer sous l'effet de nos choix personnels. Ouais. L'agriculture numérique, technologique, robotique et génétique, truc de dingue aujourd'hui. Tu t'intéresses pas à tout ça. C'est un truc de dingue aujourd'hui. Tes semences, là, la génétique te les transforme à partir de... C'est hallucinant. Comment dire, l'agriculture de demain, quoi. Tu vois, si on fait pas quelque chose... Alors... Est-ce que tu t'intéresses à tout ça ou bien tu te dis, bon, après moi, t'as des enfants ? Oui. Mais bon, de toute façon, quand on regarde, nous sommes en Belgique. On a l'avantage d'être dans un pays démocratique où on peut choisir nos représentants du peuple. Ouais. Moi, je pense pas comme ça, mais je t'écoute. On a la chance d'être dans un pays où on a quand même des revenus. On peut faire des choix de consommation. Pas tout le monde, hein, mais bon. La plupart. Et on peut toujours faire des choix de consommation. Et le choix politique aussi. Eh bien, c'est quand même étonnant qu'il y ait autant de personnes qui se plaignent. Quand on voit l'exemple avec les gilets jaunes en France, ou les luttes ici par rapport à Macron, il ne faut quand même pas oublier que ce sont les Français qui l'ont mis en place. Hein. Et si ils ne sont pas contents, ils avaient peut-être qu'à aller voter, hein, plutôt que de ne pas y aller, d'aller à la pêche. Mais non, mais attends, parce que là tu parles... Ben moi, je vais défendre ces gens-là. Ces gens-là, ils en ont... Ça claque du vote. Ils voient tellement bien que on s'en fout d'eux. Tu vois, ils ont leur logique et leur logique. Alors, je vais donner un exemple. Aux dernières élections communales ici à Floreffe, il y a un élu qui est passé sur la liste socialiste. C'est le 6e de la liste. Ce qui veut dire quand même que le choix de l'électeur est quand même prépondérant. C'est quand même le 6e, c'est pas le 1er, c'est pas le 2e, c'est pas le 3e, c'est pas le dernier, c'est le 6e. Mais quoi, tu crois que le socialisme aujourd'hui, là... Je ne parle pas de socialisme, je parle du choix de l'électeur. Donc ça veut dire que l'électeur a choisi comme représentant du Parti Socialiste, ça pourrait être sur un autre parti, le 6e de la liste. Donc quand on vient dire que on vote toujours pour le 1er ou pour le 2e, ce sont des choix des électeurs. Et si l'électeur n'est pas content, il n'a qu'à aller trouver son représentant du peuple et lui poser des questions. C'est ça la démocratie, non ? Oui, mais ça a l'air simple pour toi comme ça. Mais par exemple, Macron, ça fait la... tu suis un petit peu la politique ou bien ça ne t'intéresse pas trop en fait ? C'est parce que je te sollicite. Ouais, je suis vaguement de loin. Ça s'entend en fait parce que... Non. Il y a 3-4 ans d'ici, j'étais en France et j'entendais un discours de Macron à l'Assemblée Générale. Extraordinaire ce gars. 1h20. 1h20 à parler, sans arrêter, tranquillement, comme je suis en train de le faire maintenant. Eh bien, pendant 1h20, il a réussi à dire qu'il avait découvert qu'il y avait des pauvres en France. Ouais, mais bon... Attends, je vais continuer. Et donc, il allait développer un budget pour les pauvres. C'est-à-dire qu'il allait faire de la soupe populaire pour les écoles, pour les enfants. Parce que les enfants pauvres, ce n'est pas normal qu'ils aient l'estomac vide à l'école. Les parents, on s'en fout. Hein. Et puis, donc, c'est 8 milliards sur 4 ans, c'est 2 milliards par an. Et puis, après son discours, on interviewe, entre autres, une députée, je ne sais plus certainement, très à gauche, qui dit il peut bien, il vient de donner 20 milliards aux riches. Bon, 20 plus 2, ça fait 22 milliards. Il a été les chercher où ? Un mois après, il y avait les gilets jaunes. C'est tellement simple, quand on regarde avec un peu de recul comment ça fonctionne. Mais tu comprends qu'il y a des gens, ils sont dégoûtés, ils y croient même plus, ils vont pas voter, ils en ont rien à foutre. Tu comprends ça ? Les gens sont dégoûtés. Je peux comprendre qu'ils soient dégoûtés. Il y a quelques années d'ici, jardin communautaire de Floreffe, il y avait une jeune, le jour de ses 18 ans, c'était les élections. Et elle dit « Oh, faut que j'aille voter ». Je dis « Mais t'en as de la chance, t'imagines ? Tu vas pouvoir faire un choix ». Choisir la personne que tu choisis, que tu penses être la meilleure pour te représenter. Eh bien, ça vaut la peine, non ? Alors, au lieu d'être dégoûté, qu'on le fasse, qu'on aille voter. Ah, c'est incroyable comment tu parles, comment les choses sont simples. Mais c'est des gens qui croient vraiment que... Attends, c'est Coluche qui disait ça. Tu vois qui c'est, Coluche ? Oui, quand même. Si le vote servait à quelque chose... ce serait interdit ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait combien d'années que ça se répète le vote, on voit bien que ça sert à rien, que ça change pas. Et par exemple, t'as entendu les retraites. Je ne discute pas de retraite ou pas. Les gens demandent, t'as entendu ça en France, les gens veulent une retraite convenable, quoi. À un certain âge, ils veulent stopper, Macron veut qu'ils travaillent plus. Oui. Ça fait 14 fois qu'ils descendent dans la rue. 2 millions de personnes aux tout premières manifestations. La 14e fois qu'ils sont dans la rue, Macron a décidé que c'était comme lui, il l'entendait. Oui. Tu dis quoi par rapport à ça? Eh bien, moi, je dis en Belgique, on n'est pas passé de 62 à 64, mais bien de 65 à 67. On a manifesté. Ce jour-là, on était 20 000 en rue, en Belgique. Moi, j'y étais. Et 2 millions de personnes qui sont directement concernées. Ce qui veut dire qu'il y a, à l'époque, 1 980 000 personnes qui ne se sont pas senties suffisamment concernées que pour le dire. Et de toute façon, ceux qui ont décidé de prolonger la pension à 67 ans se sont quand même retrouvés au pouvoir aux élections suivantes. Donc, il faut croire que les gens sont contents. Mais qu'est-ce que tu dis de les gens sont dans la rue, là, 2 millions de personnes dans la rue, ils montrent qu'ils sont pas contents, ils y viennent 14 fois. Donc ça, c'est quand même un arrangement d'y aller 14 fois tous ensemble, alors de moins en moins de gens y vont. Tu dis quoi quand tu dis bah, il suffit de voter, il faut voter le bon représentant, c'est simple la vie, quoi. Non. Moi, je constate une chose, c'est que les gens, ils passent leur temps à voter les mêmes, et puis après, ils se plaignent. Ben, changeons. On verra aux prochaines élections en France qui passera. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait du changement. Je pense que Macron ne peut plus se représenter, mais bon, ce sera un pareil à lui. Ça va rien changer. Et le problème, il est là, en fait. Ce sont quand même les représentants du peuple qui font les lois. Oui, mais les représentants du peuple ne sont pas les représentants du peuple. Tu vois bien que, par exemple, quand on prend l'exemple, comme ça on fait le lien avec l'agriculture, avec tout ce monde-là dans lequel tu touches un petit peu, quoi. T'es pas agriculteur, toi. Hein. Mais je veux dire, ça touche quand même à notre alimentation, à l'agro-business. Tu vois bien que les enjeux ne sont pas les mêmes, quoi. Tu vois. Donc c'est quand même des lois qui sont mises en place. C'est pas le peuple, les peuples. Tu vois. C'est, je veux dire, là, tu vois, les paysans, on les appelle comme ça, bien que ça n'existe plus, mais c'est une nouvelle manière de parler pour dire les paysans, c'est ceux qui travaillent vraiment simplement la terre, c'est pas l'agro-business, quoi, tu vois. Ben, il y a plein de gens qui aimeraient bien vivre simplement de leur métier, convenablement, et puis on sait bien que les politiques sont mises en place pour dégommer tous ces gens, parce qu'ils veulent installer l'agro-business, enfin, ils veulent continuer à mettre ça en place avec, je le disais, la numérisation, avec la robotique, avec la génétique, et c'est pas monsieur, madame, tout le monde à qui on demande leur avis, tu comprends? C'est une politique d'en haut qui décide pour les autres. Mais on n'est quand même pas comme dans l'Église catholique où c'est le pape qui élit les gens qui vont, enfin, qui met en place les gens qui vont élire son successeur. Ici, on est quand même dans une démocratie où c'est quand même les citoyens qui votent pour, comme je le dis, leurs représentants du peuple. Et là, c'est important qu'il faut se réapproprier cette notion. Ça, c'est une chose qui est aussi importante pour moi que se réapproprier la semence ou l'agriculture, parce que ça fait partie de la vie. Quand je dis que je suis soumis à des problèmes extérieurs qui ont mis en cause mon autonomie alimentaire, mais le politique, c'est la même chose aussi. Il faut vraiment repartir sur se réapproprier et aller voir. Aller voir. Ce qui se passe. Quand on voit les... On a eu un scandale au Parlement wallon il n'y a pas tellement longtemps, qui est toujours en cours d'ailleurs. On ne va quand même pas me faire croire que les politiques qui sont là en place ne savaient pas ce qui se passait. On ne va parler que du problème de harcèlement. Eh bien, quand on voit, c'est comme ça que ça se passe un peu partout. On a ces notions-là, et les gens que nous mettons en place, au lieu de faire le boulot pour lequel ils sont payés, eh bien, ils ferment les yeux sur beaucoup de choses. Ce sont des choses qui sont importantes à savoir. Et donc, à ce moment-là, quand on voit qu'un représentant du peuple est soit malhonnête, soit incompétent, il faut déjà le virer de sa liste pour les prochaines élections. Et puis après, on verra ce qui reste. Ouais, mais c'est pas si simple tout ça. Mais j'entends bien que... Je crois qu'il faut dégommer les gens, il faut les virer. Ils vont pas partir par eux-mêmes, tu vois, quand on... Enfin, c'est que c'est... Après... Toi, tu as développé toute une recherche par rapport au potager, tu vois, mais je t'invite à lire aussi toute une recherche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des représentants politiques qui ne sont pas vraiment des représentants du peuple sur l'arrivée de l'État, sur l'arrivée... Non, mais c'est très intéressant. Oui, c'est un peu la même chose, quoi, oui, tu vois. On s'est fait désapproprier notre autonomie, notre pouvoir. Mais quand on voit que dans les statuts écolos, que je sache, c'est 2 mandats maximum. Il y en a qui sont là depuis combien de mandats ? Alors, est-ce qu'un parti qui se présente comme le chevalier blanc qui va révolutionner la politique peut fonctionner de cette façon-là ? C'est des choses que moi, je mets en doute. Il y a des choses qui ne vont pas partout. Mais ça veut dire que si le citoyen le sait, eh bien, qu'il vote, hein, qu'il fasse des choix. Eh bien, Jean-Louis... Ça va si je donne pas ton nom de famille ou t'as envie de le donner ? Non. Jean-Louis, merci de m'avoir reçu. Mais ce qui est marrant, on le voit pas, mais on est comme au bar, nous, debout ici. Bon, on va boire un coup maintenant. Non, mais tu vois, du coup, ça fait un peu vite parler. On n'est pas vraiment posé, mais voilà, on a dit un peu l'essentiel. Merci à toi, en tout cas. De rien, ce fut un plaisir.